J'habite à Paris, en France. Et toi, tu habites où? Moi, j'habite en Espagne. Et toi, Kiyoshi, tu habites dans quel pays? Aux États-Unis? Non, j'habite au Japon.